Chapitre 3e. Deux hommes entêtés. Presque au même instant, et comme les oscillations imprimées au corps d'Octave devenaient de moins en moins sensibles, les broussailles s'écartèrent et un nouveau personnage apparut. Il alla droit aux chaînes et poussa, à la vue d'Octave, cette simple exclamation « Oh !» avec le plus pur accent britannique. Puis, ayant tiré de sa poche un couteau de chasse, il coupa tranquillement la cravate qui étranglait le comte de Soubran. Le corps du pendu tomba lourdement à terre et s'affaissa sur lui-même. Sans s'en inquiéter davantage, l'inconnu ôta son chapeau qu'il accrocha à une branche, retira ses gants et ouvrit un mince paquet qu'il tenait à la main. Pendant ce temps, Octave se ranima peu à peu. Il se mit sur son séant et promena autour de lui des yeux étonnés. « 6h10, s'écria-t-il en regardant l'heure, et je suis encore de ce monde. Voilà la première fois qu'une de mes volontés prend un retard à ça. La branche a cassé, je l'aurais parié. » Mais, ayant vu la branche intacte et encore nouée à la branche, un lambeau de sa cravate que le vent faisait voltiger, il se retourna et aperçut le nouveau venu, qui paraissait fort préoccupé de quelque travail manuel. Octave se leva et alla se planter devant lui. L'inconnu, qui était un homme d'une quarantaine d'années, grand et maigre, à la physionomie froide et distinguée, laissa échapper un signe d'impatience. « Tiens, vous n'êtes donc pas mort, vous » demanda-t-il à Octave. « Il paraît, » dit le comte, « et vous m'en voyez plus surpris que vous-même. Tant pis, » dit l'anglais. Il sembla vouloir se borner à cet essai de conversation, et ayant salué Octave, il s'éloigna de quelques pas. Mais Octave était à la fois furieux et intrigué, furieux d'avoir à recommencer ce qu'il croyait une affaire faite, intrigué par cet original et surtout par la mystérieuse besogne qu'il lui voyait perpétrer. Il le suivit donc et lui dit d'un ton passablement agressif « Pourrait-on connaître, monsieur, la raison du regret désobligeant que vous venez de formuler ? Quel regret ? Vous avez dit « tant pis » en vous apercevant que je n'étais pas tout à fait mort. Monsieur, que vous soyez mort ou vivant, cela m'est complètement égal. J'ai dit « tant pis » parce que, s'il faut vous l'avouer, votre présence me gêne. Je vous trouve charmant, mais la vôtre me gêne bien davantage. J'ai besoin d'être seul, » continua l'anglais. Pour vous pendre aussi quelque peu, je conçois cela. Qu'en savez-vous, dame ? Je le suppose, d'après l'objet que vous tenez là, et qui m'a tout l'air d'un cordon de sonnette. C'en est un, après. Or, comme vous y faites un nœud coulant, car ceci est un nœud coulant, je m'y connais. Monsieur, interrompit l'inconnu, je vous ferai observer que vous vous immiscez là dans des choses qui ne vous regardent pas. Permettez, dit Octave, je n'ai pas été vous chercher, moi, c'est vous qui êtes venu me déranger. Qu'appelez-vous déranger ? Ah ça ! Qui donc m'a décroché de là-haut, s'il vous plaît, si ce n'est vous ? Sans doute, c'est moi, mais je vous croyais mort. Alors, si vous me croyez mort, pourquoi diable m'avoir décroché ? Parce que vous occupiez mon arbre. Comment, votre arbre ? Eh oui, mon arbre, il y a 8 jours que je l'ai retenu et marqué, voyez plutôt. Quoi ? Cette date, 30 mai 1846, c'est moi qui l'ai gravé. Ainsi, vous aviez choisi ce chêne pour... L'anglais hocha la tête de haut en bas. Mais sacrebleu ! S'écria Octave, il ne manque pas de chêne ici, vous eussiez pu en prendre un autre et me laisser tranquille où j'étais. Monsieur, dit l'insulaire avec un grand flegme, j'ai jeté mon dévolu sur cet arbre et non sur un autre. Or, quand je me suis fait une promesse, aucune puissance humaine ne m'empêche de la tenir. Parbleu, j'étais comme vous, monsieur. Je m'étais juré de mourir à 6 heures. Par votre faute, pourtant, me voici en retard d'une demi-heure. 1000 fois désolé, monsieur. Je ne puis que vous supplier d'agréer mes sincères regrets. Mais pardon, à qui ai-je l'honneur de parler ? Je me nomme le comte Octave de Soubran. L'anglais salua avec courtoisie. Et moi, dit-il, je me nomme Lord Weymouth. Faute d'un tiers pour nous présenter l'un l'autre, nous sommes forcés de remplir nous-mêmes cette formalité indispensable. Octave salua à son tour. Monsieur le comte, continua l'anglais, en attachant son cordon de sonnette à la maîtresse branche, vous ne sauriez croire combien je suis enchanté d'avoir fait votre connaissance. Comment, dit Octave, vous persistez à vouloir vous pendre à cet arbre ? À mon arbre, oui, monsieur. Alors permettez-moi de vous faire une proposition, faites. En coupant ma cravate, vous m'avez privé de mon seul moyen de suspension. Voici donc ce qu'il nous reste à faire. Voyons. Vous me prêtez le cordon de sonnette, je me pends le premier et, moi pendu, mais archi-pendu cette fois, vous reprenez votre arbre et votre cordon et vous m'imitez si bon vous semble. L'anglais réfléchit quelques secondes. « Impossible, » dit-il. « Vous refusez. » « Remarquez, monsieur, que ceci n'est qu'un fragment de cordon de sonnette. Il y en a juste assez long pour une seule personne. Si je le coupe pour vous dépendre, je ne pourrai plus m'en servir. » « Mais alors, que vais-je faire, moi ?» dit Octave, exaspéré. « Rentrez chez vous et remettez la partie à demain. Eh, monsieur, je n'ai plus de chez moi. » L'anglais parut ébranlé. « Si vous vouliez user de ce couteau de chasse ?»« Merci, je tiens essentiellement à la strangulation. C'est étrange. Vous y tenez bien, vous ? Moi, c'est différent. Je suis anglais, et la pendaison est un suicide très national. Mais vous, français, vous, gentilhomme, choisir justement une mort considérée jadis comme infamante, la harte enfin, un supplice de vilain, un trépas de manant. Je sais, my lord, qu'il y a là de quoi faire bondir mes aïeux dans leur linceul de vieux préjugés. Mais que diable ! J'en ai aussi, moi, des préjugés. Je tiens ma physionomie et ne veux point me défigurer hideusement avec un pistolet qui, d'ailleurs, peut fort bien ne pas me tuer sur le coup. Mais il y a tant d'autres moyens. Croyez-vous que je ne les ai pas tous étudiés ? Le poison, moyen lent, désagréable, qui marque la peau et suscite d'infâmes coliques. L'asphyxie, dénouement ridicule, ressort de modiste qui a trois termes de retard. Le poignard, on s'inonde de sang, c'est malpropre. Et puis la tragédie, en a tant abusé. Lord Weymouth écoutait avec de nombreux signes d'approbation. « Je suis trop bon nageur, » poursuivit le comte, « pour réussir à me noyer. D'ailleurs, l'eau de la Seine est si jaune, les filets de Saint-Cloud si sales, la morgue si mal fréquentée. Quant à me précipiter d'un quatrième étage ou du haut de la colonne Vendôme, vous comprenez que je n'y songe pas. Ces membres broyés, cette masse informe de chair et d'eau ensanglantée que l'on relève et qui parfois respire encore, c'est une image qui répugne et qui soulève le cœur. « C'est vrai, » dit Lord Weymouth, « cependant, entre nous, la strangulation n'a rien de beaucoup plus attrayant. « Je le crains, » dit Octave, « depuis que j'en ai tâté. « Mais, monsieur Janin, avez-vous lu l'âne mort de monsieur Janin, my lord ? « Ma foi, non. « Monsieur Janin affirme que la quintessence du bonheur sur la terre, c'est d'être pendu par le cou, jusqu'à ce que mort s'en suive. « J'ai voulu me procurer cette suprême jouissance. « Et votre avis ? « Mon avis est que quelque pendu aura surpris la religion de monsieur Janin. « Mais n'importe. « Je m'en tiens à la pendaison. « Et moi aussi, » dit l'anglais. « Je vois avec peine, monsieur, que je ne puis vous être utile. » Octave se rembrunissait à vue d'œil. « Recevez mes civilités empressées, » dit l'insulaire, et il se passa le cordon de sonnette autour du cou. La mauvaise humeur d'Octave fut à son comble. « 7h moins le quart, » s'écria-t-il en frappant du pied avec rage. « Et ce n'est pas encore fini. Décidément, monsieur, je veux passer le premier. » L'anglais, qui était déjà à moitié pendu, sortit sa tête de la corde et mesura le comte de Soubran d'un regard hautain. « Vous voulez, qu'est-ce à dire ? C'est-à-dire que vous ne mourrez qu'après moi. Vous comptez m'empêcher de me pendre ? Oui. Je voudrais bien voir cela. Vous le verrez ? Gardez-vous d'en douter ? » Pour toute réponse, l'anglais se mit à rire, se repassa la corde au cou, et une minute après, son corps se balança dans l'espace. Mais déjà Octave avait ramassé le couteau qui brillait dans l'herbe. D'un bond, il s'élança vers l'arbre, trancha le cordon de sonnette et le pendu tomba sur ses pieds, violet, furieux et à demi étranglé. Il toussa, cracha, desserra son nœud coulant et marchant sur le comte. « Monsieur, » dit-il en bégayant de colère, « vous êtes un drôle. »« Tiens, » s'écria Octave, « un duel. Je n'avais pas songé à celui-là. »« Un insolent, » poursuivit l'anglais, qui n'entendait rien. « Assez, » dit le comte de Soubran. « Vous allez, j'espère, me rendre raison de ces deux grossièretés. »« Ah, Dieu me damne, tout de suite !» vociféra l'insulaire, et saisissant ses pistolets, il en tendit un à Octave et arma le sien. « Bien, » dit Octave, « mais simplifions les choses, tirons à bout portant. »« À bout portant, soit. » « De cette manière, » murmura le comte, dont le visage se rasséréna, « il est impossible d'en réchapper. »« Maintenant, monsieur, oublions cette discussion, nous allons mourir. Voici ma main. » L'anglais, à ce moment suprême, avait repris son sang-froid. « Vous avez raison, » dit-il, « la mort nous rend frères. » Et il tendit sa main au comte de Soubran qui la serra cordialement. « Je vais compter jusqu'à 3, » dit Octave. « Au nombre 3, nous tirerons simultanément. » Lord Weymouth fit un signe affirmatif et chacun d'eux appuya le canon de son pistolet sur le cœur de son adversaire. « 1, » dit Octave en souriant. « Ma foi, vous êtes un brave homme, et je regrette de ne pas vous avoir connu plus tôt. « 2, » dit le comte. Les deux hommes échangèrent un regard d'amitié. « tout un monde de souvenirs, tout un océan de pensées, roula comme un éclair dans ces deux âmes prêtes à déployer leurs ailes. 3. Ils lâchèrent en même temps la détente.